Amis humains, bonjour. L'OTAN célèbre le 10e anniversaire de l'initiative de coopération d'Istanbul au Qatar, 11 décembre 2014. C'est la saison des anniversaires à l'OTAN. Amman, Jordanie, les 9 et 10 décembre, ont été célébrés les 20 ans du dialogue méditerranéen. Étaient présents le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg et les 28 représentants du Conseil Nord-Atlantique, avec les ambassadeurs des 7 pays partenaires, Algérie, Égypte, Jordanie, Israël, Maroc, Mauritanie et Tunisie. Il y a 3 ans, a rappelé Stoltenberg, pendant l'opération dirigée par l'OTAN pour protéger le peuple libyen, aussi bien la Jordanie que le Maroc ont apporté d'importantes contributions militaires. Cela a été possible grâce à des années de coopération militaire entre nos pays. Le dialogue méditerranéen prévoit en effet la formation d'officiers des pays partenaires dans les académies militaires de l'OTAN, parmi lesquels le Defense College de Rome, et celle de forces spéciales par les équipes mobiles d'entraînement envoyées sur place par l'OTAN. À ces activités s'ajoutent celles prévues par les programmes de coopération individuelle de l'OTAN avec chacun des 7 partenaires. Le plus important est celui avec Israël, ratifié par l'OTAN en décembre 2008. 3 semaines avant l'opération israélienne plan durci contre Gaza, il établit la connexion d'Israël au système électronique de l'OTAN, l'augmentation des manœuvres militaires conjointes et de la coopération dans le secteur des armements, et jusque l'élargissement de la coopération contre la prolifération nucléaire, en ignorant qu'Israël, unique puissance nucléaire de la région, refuse de signer le traité de non. Prolifération et a rejeté la proposition de l'ONU d'une conférence pour la dénucléarisation du Moyen-Orient. Avec la naissance de l'Émirat islamique et la façon dont se répand la violence et la haine dans toute l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, a souligné Stoltenberg aux partenaires, cette synergie entre nous est plus que jamais nécessaire. Et, se référant à la Jordanie, il l'a définie comme une île de stabilité dans une mer de turbulence, en faisant des louanges sur sa contribution à la stabilité de la région et aux opérations conduites avec les pays de l'OTAN. Louange méritée, la Jordanie a contribué à créer la mer de turbulence, en participant d'abord à la guerre de l'OTAN qui a démoli l'État libyen, puis à la guerre conduite par l'OTAN en Syrie de façon secrète. La Jordanie, comme la Turquie, constitue la base avancée de cette opération qui, menée en synergie avec Israël, vise à démolir non pas le accent aigu, fonctionnel à cette stratégie, mais l'État syrien. Par leur mérite, a annoncé Stoltenberg, les forces armées jordaniennes vont maintenant faire partie de la force de riposte de l'OTAN. Le 20e anniversaire du dialogue méditerranéen étant célébré, le secrétaire général de l'OTAN et les 28 représentants du Conseil Nord-Atlantique sont allés à Doha, Qatar, pour célébrer, le 11 décembre, le 10e anniversaire de l'initiative de coopération d'Istanbul, le partenariat entre l'OTAN et 4 monarchies du Golfe, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Koweït et Qatar. Stoltenberg a cité la campagne de Libye comme exemple de la façon dont l'OTAN et les partenaires du Golfe peuvent travailler ensemble. Dans la guerre contre la Libye s'est distingué le Qatar qui, comme l'avait déclaré le chef d'état-major lui-même, avait infiltré en Libye des milliers de commandos aux ordres du Pentagone. Ce même Qatar qui aujourd'hui, comme il résulte aussi d'une enquête du Financial Times, dépense des milliards de dollars pour financer et armer les groupes islamistes qui combattent en Syrie, y compris le accent aigu, soutenu aussi par le Koweït et l'Arabie Saoudite. Est-ce un hasard si, à Doha, le secrétaire général de l'OTAN n'a jamais nommé l'État islamique ? À quand l'OTAN en emporte le vent ? Grosse bise numérique.